quel monstre ténébreux, étranger en moi-même, habile, impénétrable à l'ombre de mes nuits, au fleuve le plus vil de mon être m'enchaîne, m'excite quand je pars, me retient quand je fuis, quand rien ne m'y contraint, dans sa course m'entraîne, inexorablement de flamme me poursuit, dévore dans mes traits le visage que j'aime et livre à mon regard cet autre que je suis. »